Je m'appelle Camille, j'ai 17 ans, je suis en première L. T'as pensé quoi de cette journée et de cette thématique sur l'égalité homme-femme ? La journée était intéressante, mais surtout aborder la thématique en fait. Je trouve que c'est un thème majeur, surtout actuellement, où on a beau se battre, y a pas grand-chose qui change, donc c'est important d'en parler. Je suis d'accord. Est-ce que tu penses que des événements comme ça, le fait que des personnes viennent intervenir et vous parlent de ça, vous sensibilisent, ça joue sur les mentalités dans le sens où, par exemple, un garçon, nous les filles, on sait en général, on connaît nos capacités, on sait qui on est, mais par exemple, les garçons qui parfois ont tendance à nous faire des blagues, enfin, on les connaît, est-ce que tu penses que c'est des bons moyens pour les faire réfléchir, même si c'est sur quelques temps, quelques heures? Ça peut être un bon moyen, je pense pas que ça la fera. Oui, c'est pas suffisant, il faut plus. Qu'une seule intervention comme ça, de quelques heures. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu as retenu globalement de cette journée, toi ? Enfin, vraiment, si tu devais la résumer ce soir, par exemple, qu'est-ce que tu dirais ? Qu'on a appris beaucoup de choses, que c'était très intéressant, mais vraiment surtout qu'on ait abordé la thématique là, en fait. Je pense que c'était vraiment important. Merci beaucoup. Parfait, de rien. Merci à toi.